bonsoir à tous. Ce soir, nous recevons Tristan Archer, qui s'est entraîné pendant un petit moment chez Landstorm, qui tourne bien sûr en France et en Europe. Il a eu notamment de gros matchs face à Chris Hero, Brian Kendrick et Paul London, notamment. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. En ce moment, il est champion aux Pays-Bas, hein, c'est ça, Tristan? C'est ça, exactement, ouais. Je gagne un championnat à la PWS, championnat poids lourd. Tout à fait. Et donc, nous allons pouvoir nous entretenir avec lui pendant un petit moment. Donc, pour m'accompagner ce soir, Vincent, tout droit venu de ce pays de Marine Le Pen, malheureusement. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Benito. Et Renaud, dans la famille Le Pen aussi, j'ouvrais la nièce, il vient de Nice. Donc, Mario Maréchal Le Pen, malheureusement. On fait un petit tag parce que nous, franchement, on fait pas de politique normalement, mais là, j'ai mal à ma France, comme dirait Gilles Verdel. Bonsoir, Renaud. Bang! Salut, Benito. Salut tout le monde. Donc voilà, bon, l'interview va commencer, on va te poser quelques questions de base bien sûr. Moi la première que j'ai envie de te poser, c'est comment tu as découvert le catch? J'imagine que c'est comme tout le monde devant la télé quand tu es gosse. C'est ça exactement en fait, samedi matin en me levant, ben, j'allais pas en cours parce que ben, j'avais pas cours le samedi matin, à l'école il y avait pas encore ça. Et mon père était devant le catch et il m'a dit bah de venir avec lui et bah j'ai commencé comme ça en fait un samedi matin je devais avoir 7-8 ans j'ai essayé avec mon père et je crois que c'était l'Undertaker je crois et j'ai juste scotché quoi. Ah mais moi c'est pareil c'est l'Undertaker bah c'était un peu plus vieux parce que je suis plus vieux que toi mais pareil c'était le premier soir de l'Undertaker enfin bref comme l'a dit Roumanito dans l'intro tu étais entraîné par Landstorm à la Storm Wrestling Academy comme Sylvester d'ailleurs. T'avais déjà fait des entraînements de catch avant d'aller au Canada ou c'était ta première expérience, on va dire? C'était ma première expérience. En fait, j'avais déjà fait un stage chez Booster. On a commencé avec beaucoup de squats à vide, tout ça. Et le truc c'est que, grâce à ce stage, j'ai découvert que j'avais une petite déformation, difformité, on va dire, anatomique. J'ai un problème avec les veines de la cuisse qui sont beaucoup trop petites et qui n'évacuent pas l'acide lactique. Donc j'ai fait une énorme accumulation d'acide lactique dès la première nuit et j'ai fini à l'hôpital. Voilà. Donc on va dire que la première expérience était vraiment catastrophique, voire ratée. Donc la première réelle vraie expérience, c'est que je suis parti. D'accord. Et t'as vu une différence avec les entraînements français justement et les entraînements de Landstorm? J'ai pas fini l'entraînement chez Booster en fait. En fait, l'acide lactique c'est ce qui remplit le muscle. Qui le rend dur, donc quand vous l'évacuez pas, en fait, le muscle se contracte, il reste contracté. Donc je marchais plus, je pouvais plus plier les jambes, etc. Donc j'ai vraiment fini à l'hôpital. Alors tu as passé tes 3 mois de formation chez Landstorm. Comment ouais. Se sont déroulés tes 3 mois de formation chez ce grand champion qu'est Landstorm? Bon, en fait, il vient nous chercher à l'aéroport déjà, donc c'est assez classe de sa part. Alors, moi, j'étais logé dans la maison qui était à disposition pour ses élèves. Contre rémunération, bien sûr, on loue une chambre. Tous les jours, 3-4 heures par jour, du lundi au vendredi, c'était très physique, très intense, et pour ma semaine, des mollets de fou, on sait que faire des chutes, jusqu'à ce qu'on maîtrise parfaitement les chutes, puisque c'est réellement la base du catch, ce qui fait que tout catcheur doit maîtriser. Voilà, on a une grosse partie cardio au début du stage, de la formation. Qui a été arrêté au bout d'un mois, un mois et demi, en me disant que voilà, on était catcheur, on était adulte, professionnel, donc genre de choses, capable de faire soi-même, et que c'était pas, ça veut dire ouais, je suis pas votre mère, ça va vous prendre en main quoi. Et après on était vraiment plus sur du technique, uniquement que du technique pendant un mois et demi qui restait. Tu discutes encore avec Landstorm aujourd'hui? T'as gardé contact avec lui? Pas très très souvent en fait, j'étais pas. Quand je suis arrivé au Canada, je parlais pas du tout anglais. Donc j'ai vraiment eu un bon mois d'adaptation, je me mettais à la fin de la queue, je reproduisais juste ce que les autres personnes faisaient juste avant moi en fait, je m'amusais pas à passer devant parce que je comprenais pas les consignes. Donc voilà, je travaillais par mimétisme, j'avais comment Lens faisait, je refaisais la même chose, etc. Et au fur et à mesure, voilà, j'ai commencé à maîtriser un petit peu plus l'anglais, donc j'ai pas eu d'énormes liens, d'énormes discussions avec Lens. Après voilà, de temps en temps je me venais pour parler de comment ça se passe pour moi ici, des contacts que j'ai eu avec la tryout, tout ça, donc voilà, on a gardé quelques contacts, mais c'est pas des échanges interminables et hyper réguliers. Moi, j'ai une question à te poser sur ça, justement. Dans tes sessions, là, t'étais avec des gens qui aujourd'hui ont explosé ou pas du tout? Enfin, il y avait, Aucun. Aucun. Aucun. Enfin, il y en a qui étaient dans ma session. À la fin de ma session, il y a eu un essai avec la WWE parce que elle était à Calgary. Il mesurait 2 mètres et quelques, qui faisait 105 ou 110 kilos. Voilà. Donc, ils ont été intéressés juste par son physique. Ça n'a pas fonctionné. Il est revenu chez Lens encore 3 mois. De nouveau un essai. Ils l'ont signé. Il est resté peut-être 6-7 mois. Et il a complètement quitté, le monde du catch. On se dégoûte d'une expérience, ou je sais pas, il a tout arrêté. Et comment ça s'est passé à ton retour en France? T'as eu du mal à trouver des bookings, ou le fait que tu aies justement été chez Landstorm, qui est quand même un ancien reconnu de la WWE, la WCW, ça t'a facilité la vie? Non, c'était très compliqué de trouver un booking au départ. Je vais pas vous mentir, même en revenant chez Lens, même en ayant une vidéo d'un match contre Lens. C'est un circuit, au départ, qui est très difficile à pénétrer, surtout à l'époque, parce qu'il y avait vraiment énormément de catcheurs. Plus ou moins bon, hein, on va pas se mentir, il y en a beaucoup qui ont arrêté parce que, ben, voilà, il était pas forcément au niveau, mais comme c'était à la mode, tout le monde s'y mettait. Il y avait beaucoup de copinage, il y avait beaucoup d'amitié entre bookers et catcheurs, etc., etc., etc. Donc forcément, ouais, ça crée, ça crée un circuit fermé, quoi. Donc, j'ai eu un peu de mal à trouver mon premier booking. J'étais même passé par la case WS, Tom Naropa m'avait fait avoir un essai. C'était bien déroulé, mais, j'ai jamais travaillé pour la WS, j'ai rien contre eux, mais voilà, c'est pas le genre de carrière que je me donnais, enfin, la routine WS, etc., etc., c'est pas ce que je visais dans le monde du catch, donc, j'ai pris mon mal en patience, et peut-être 6 mois après être revenu, j'ai eu la chance d'avoir un booking. Sur ce booking, plusieurs catcheurs, plusieurs promoteurs qui étaient là en tant que soit commentateur, soit arbitre, etc., etc., etc. Et à partir de là, je me suis juste fait voir une fois, et la semaine d'après, je catchais contre Sylvain Grenier. Donc, on va dire que j'ai eu beaucoup de chance, et que ça s'est très vite enchaîné par la suite. Est-ce que tu peux nous raconter ta plus belle expérience au niveau de ta carrière? Il doit y en avoir plusieurs, mais est-ce qu'il y en a une qui sort vraiment du lot, un soir qui t'a marqué, un match qui t'a marqué? C'est assez compliqué de donner un moment précis que je garderai en tête tout le temps. Après, ouais, si, peut-être, là, dernièrement, le dernier tryout que j'ai eu avec la WWE et les feedbacks que j'ai eu de la part des dirigeants de des recrutements, voilà, c'est, je peux en parler parce que c'est pas le but et c'est le genre de choses que je veux garder privé, mais voilà, ça, c'est quelque chose qui me fera tout de même. Tu as connu la période du catch quand c'était à la mode, vers 2007-2010. Est-ce que tu penses qu'à l'époque, si ça avait été mieux organisé, entre guillemets, au niveau des structures, il aurait pu y avoir une professionnalisation de certains catcheurs qui avaient des bookings toutes les semaines, quoi? C'est ça, ouais, en fait, le fait que ce soit devenu régulier pour certaines personnes, ça a permis d'en éliminer d'autres, en fait. Je sais pas comment expliquer ça. La question, c'est bien ça, hein, c'est la professionnalisation des catcheurs en France, c'est ça? Ouais. Ouais, en fait, on va dire qu'il y a un groupe qui a réussi à ressortir. C'est tirer un petit peu tout le monde vers le haut, parce que le but, quand même, c'est de pouvoir avoir quelque chose d'assez homogène et que tout le monde puisse, après des efforts, après des entraînements, etc., etc., se retrouver sur une carte. Voilà, on a certains noms en France qui ressortent plus que d'autres. Certainement ceux qui s'investissent un petit peu plus que les autres. Et d'autres qui ont disparu. Parce que, il y a des personnes qui prenaient pas forcément ça, de façon professionnelle et qui prenaient pas plus ça pour un amusement ou un passe-temps. Donc c'est vrai que de ce côté-là, par rapport à l'époque où j'ai commencé, c'est beaucoup plus agréable de se dire, ben voilà, je vais aller catcher contre quelqu'un qui sait catcher, quoi. Avant, t'avais peur de tomber sur quelqu'un qui puisse te faire mal, ou en tout cas qui n'est pas safe, quoi. Avant, je demandais au promoteur s'il avait un ring, pour te dire à quel point... Ah ouais, quand même. Il y a un mec qui m'a proposé de catcher sur des tatamis et 4 poteaux avec des faux scores, quoi. Enfin... Ça, c'est original, remarque, hein, mais... Ouais. Et aujourd'hui, t'arrives quand même à en vivre correctement, et comment ça se passe pour toi, ta vie perso, dans le catch? J'ai un autre travail à côté, bien sûr, on peut pas vivre professionnellement du catch en France, on va pas se mentir, ni d'ailleurs en Allemagne, ni en Angleterre, ni où que ce soit. Quelques catcheurs européens qui arrivent à le faire, je prends Tony Henn par exemple, mais voilà, parce qu'il a une temps énorme, que tous les week-ends il va en Angleterre, ou il part aux États-Unis, ou il va au Japon, ou... Voilà. Il a une autorité qui lui permet de pouvoir en vivre correctement, puis il a du merch, etc., etc. Mais voilà, en France, à part être promoteur, je vois pas comment un catcheur français pourrait vivre de ça. Très bon, je vais pas mentir, c'est un bon complément de vie, voilà. Mais non, j'ai un job. Tu es prof de PS, non? Non, je suis coach sportif. Ah, d'accord, ouais. On continue sur le catch français. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le catch français? Il y a encore des personnes, sur le circuit qui arrivent à penser le catch comme un loisir, en fait. Moi, je pense que c'est quelque chose qui tire le catch vers le bas. De se dire, bah, viens, on va faire du catch parce qu'on aime bien ça, sans rien de s'entraîner, de toute manière, le catch, voilà, c'est un spectacle, pourquoi on serait athlétique, pourquoi on irait au gym, pourquoi on se prendrait la tête à avoir un physique, pourquoi on se prendrait la tête à avoir une tenue ou quoi que ce soit, ou à produire quelque chose de qualité, de toute manière, puisque d'autres le font et ils continuent à le faire. Enfin, c'est une logique, je sais pas, peut-être parce que je suis perfectionniste ou quoi, mais moi j'ai fait mon premier match, j'avais une tenue de catch, quoi. On en voit quelques-uns, ils viennent, ils ont un short décathlon, un t-shirt décathlon, et ils cachent comme ça pendant 6 mois, 7 mois, 8 mois. Il y a un public derrière. Des gens qui viennent, qui payent leur place. Ils voient quelqu'un en short, en t-shirt, pas forcément musclé, pas forcément dessiné, pas forcément athlétique, pas forcément prêt, qui fait une prestation de moyenne. Ok, ils vont l'applaudir. C'est un spectacle. Bien sûr, les gens vont applaudir. Ils sont là pour ça. Ils ont payé pour applaudir. Forcément, ils vont applaudir ou huer. Mais les gens ne reviendront pas. Parce que derrière, ils ont une image négative. Et ça, c'est quelque chose qui m'énerve vraiment beaucoup. Voilà, quand on me demande mon avis, je le donne. Ça, certaines personnes n'ont pas trop aimé. Mais voilà, enfin... Ouais, ça, je pense que c'est vraiment le truc qui m'énerve le plus dans le catch en France. Et du coup, à l'inverse, qu'est-ce qui te donne le plus d'espoir, si on peut dire, à propos du catch en France? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sortent les doigts, comme on dit. Et qui s'investissent énormément, qui travaillent beaucoup, je pense à Cormac, à la SCWA, c'est quelqu'un de super humble, voilà, on l'entend pas dans les vestiaires, toujours en train de demander un avis, toujours demander en train d'avoir un feedback sur son match, il est au gym, il suit des programmes d'entraînement, des diètes, etc. Voilà, c'est un petit jeune que je pense qu'il ira très loin, parce qu'il a vraiment la mentalité du gars qui veut réussir, il écoute, il apprend, etc. Senza Volto, voilà, pareil, c'est quelqu'un, voilà, il va au gym, il achète des bonnes tenues, niveau com sur internet, c'est un psychopathe, la moitié de ce qu'il fait en com, il se répond tous les jours. Enfin, je sais pas comment il fait pour avoir autant de temps à créer des affiches, faire des montages, des machins, des trucs, c'est le bon plan, c'est comme ça qu'il faut faire réellement. Et il a les deux facettes, c'est-à-dire que athlétiquement il est très fort, il s'entraîne beaucoup, et en plus du côté, de l'autre côté, il arrive à avoir ce côté publicité vivante, quoi. Après, il y en a d'autres, bien sûr, il y a d'autres catcheurs qui s'investissent beaucoup, et ça fait du bien, c'est-à-dire que les nouvelles générations, celles qui arrivent après, voilà, on peut transmettre quelque chose et on peut essayer de continuer à diffuser une bonne image du catch. Et tu disais là il y a quelques instants que t'avais de temps en temps tu donnais ton avis sur ce qu'on te demandait de faire, ou en tout cas ce qui se passait. Et toi, est-ce que là aujourd'hui sur la scène française, est-ce que t'as entre guillemets le pouvoir de donner ton avis sur le booking de ton match ou pas du tout? J'ai pas avoir le pouvoir de donner des consignes sur mon match ou quoi que ce soit. Je suis dans ma tête, moi, quand j'arrive sur un show, je suis un worker, c'est-à-dire que on me demande de faire quelque chose, je le fais. Après, si on me demande mon avis, je l'exprime, mais voilà, j'ai été embauché pour faire un job, donc je le prends, je suis en même mes conscience, je sais très bien ce qui va se passer pendant le match ou pendant le show. Donc je viens, je l'accepte, je sais ce qui va se passer. Donc non, je pense pas avoir le pouvoir de. Après, bien sûr, je pense assez d'expérience, ça serait une assez bonne renommée, ou enfin je sais pas comment dire, une assez bonne image dans le catch en France, pour pouvoir, bah, par exemple, mettre un avis sur telle ou telle chose, disant bah voilà, par exemple là. Ouais, tu te sens écouté, quoi. Voilà, ce serait plus intéressant de construire le match de cette façon-là plutôt que de celle-ci, parce que derrière le match suivant il est comme ça, etc., etc. Voilà. Après, voilà. T'as jamais eu un promoteur qui dit un truc qui te paraît tellement what the fuck que tu dis non, je peux pas faire ça quand même? Ça t'est jamais arrivé? Si, ça m'est arrivé une fois. Enfin, c'était sur un show. Une promotion, je citerai pas le nom. Ils vont savoir, mais vu le match que c'est. Et en gros, ils voulaient faire un ladder match lumberjack. Donc déjà, un ladder match avec des lumberjacks autour. Et ils voulaient équiper les lumberjacks avec des chaises. Ah ouais, putain. Ouais, d'accord. Donc forcément, moi, j'arrive, ouais, les chaises, c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Déjà, les lumberjacks, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que, enfin, ils sont en train de se frapper avec des échelles. Si en plus, quand ils sortent du ring, ils se font frapper avec des chaises, je vois pas comment ils vont faire un match de 15-20 minutes dans la vraie vie. Les gens, voilà, tombent d'une échelle, tu sors du ring, tu prends un coup de chaise sur la tête. En toute logique, hein, si on essaie de garder le fait que c'est un sport, spectacle, devant un sport, les gens, je viens qu'après une chute d'échelle plus un coup de chaise, le mec qui en passe en ring par un salto. Donc faut garder une certaine logique. Donc voilà, le mec a accepté, le promoteur a accepté de ne pas mettre en place les chaises. Et je pense que ça a été là la solution tout ça. Toi tu faisais partie du match ou t'étais dans les Lumberjacks? Lumberjacks, moi j'étais Lumberjacks. D'accord. Tu as eu quelques gros noms de scène face à toi, des matchs face à Tommy Henn, Chris Hero ou encore le duo Paul London, Brian Kendrick. On connaît bien, ils sont passés par la WWE. Comment tu prépares ce genre de match? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce qu'il y a des différences quand on affronte des gars comme ça? Il y a pas vraiment de différence au niveau de la préparation. C'est-à-dire que toute l'année, je m'entraîne, toute l'année, je suis à la salle de muscu, toute l'année, je pense catch, je me réveille catch, je dors catch, je mange catch, je suis, je regarde peut-être pas tous les shows qui passent dans la semaine, mais je regarde beaucoup de choses. Et je pense à beaucoup de choses, donc j'ai pas une préparation différente, que ce soit un gros nom ou un catcheur régulier en France ou quoi que ce soit. Enfin, juste il y a un petit peu plus de pression parce que je sais que le match demandera un petit peu plus de. Enfin un petit peu plus, beaucoup plus d'investissement, quoi. Ce sera plus long, ce sera contre Chris Hero, voilà, c'était le show purement marque. Le main event contre Chris Hero, etc., etc., etc. Je savais que ce match, à la fin, je serais épuisé parce que voilà, il y aurait beaucoup de choses à sortir pour répondre aux attentes du public présent. D'ailleurs, Vincent était présent, je crois bien, non? Ouais, avec Pierre. Non, on a été embêté après comme d'habitude. Le chroniqueur de Wrestle Radio était présent. Ah, c'est mieux comme match. Non, moi je l'ai regardé sur internet, franchement c'était pas mal, hein. C'est du haut niveau quand même. Pour ceux qui l'ont pas vu, regardez ça, c'est vraiment pas mal. Bah c'est le match de l'année en France, hein. Non, hein, bon, à part ce fameux ladder match, t'as eu des expériences bizarres, un show singulier que tu as pu faire, un truc un peu hors norme J'ai pas assisté à des trucs si horribles, si catastrophiques que ça, je vais pas vous mentir, j'ai pas vu des trucs, à part ce truc là, franchement qui m'a un peu effrayé. J'ai pas vu d'énormes incohérences de booking, j'ai pas vu d'énormes incohérences de... Après, si, enfin, c'est dans la construction des matchs, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont pas forcément appris dans les bons endroits, qui sont un petit problème de storytelling au niveau de leur match. Enfin, il faut réussir à créer une histoire dans un match de catch. C'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça qu'on arrive à capter l'attention des gens. Donc quelquefois il y a des petits quicks, il y a des petits trucs qui sont illogiques, mais on en voit aussi à la WWE. Je me rappelle toujours du match entre Dolph Ziggler et Mark Henry, c'était un beat the clock match. Je sais pas, Ziggler il saute de la troisième corde pour faire un cross-body sur Henry. Henry il l'attrape, il est en position pour faire son finish et battre le beat the clock. Non, il transforme le contre du cross-body en body slam et Dolph Ziggler il passe derrière. Elle est où la logique? Enfin, y a pas de logique. Le but du jeu, c'est vraiment d'essayer de gagner le match le plus vite possible. Si t'as le mec dans ta position de finish, tu fais ton finish. Mais ouais, non. Ouais, c'est vrai, comme tu dis, y a des incohérences parfois. Voilà. Et ça, c'est partout. Enfin, voilà. Comme je dis, là, je peux pas mettre la WWE, mais voilà, c'est partout. Y a toujours. Mais c'est très compliqué de faire un match de catch qui soit parfait de A à Z. C'est même quasi impossible, hein. Pour toi, si tu devais noter le meilleur storyteller de l'histoire du catch, ça serait qui? En termes de storytelling, on parle pas de technique ou de quoi que ce soit ou de promo, enfin vraiment le storytelling. Le storytelling, franchement, après ça dépend des matchs, le truc, mais j'ai beaucoup aimé la storytelling du match Taker Shawn Michaels. WrestleMania 25. Ouais. Ouais, carrément, c'est clair. C'est pas mauvais goût. Ah, c'est même Shawn Michaels Ric Flair, enfin. Voilà, ça c'est une story, c'est quelque chose qui est raconté, ça a un sens, c'est profond, c'est puissant. À la fin, voilà, on est scotchés, les machins, les trucs, ça c'est pas la meilleure performance des mecs et tout, c'est pas au top de leur point de vue athlétique, condition physique, c'est pas au top. C'est une dizaine d'années qu'ils étaient au top, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Et pourtant, juste avec le storytelling, juste avec leur aura, leur ce qu'ils ont réussi à raconter à travers le match, bah tu restes assis, tu regardes. Il y a l'Insane Championship Wrestling qui est un gros succès en Écosse, même en Angleterre, avec son dernier show qui a rassemblé plus de 4000 personnes, avec notamment Tommy Hand dans un match en cage. Est-ce que tu as suivi l'évolution de la promotion? Est-ce que tu penses que l'ICW peut se répandre sur le continent européen? J'espère pour eux, honnêtement, parce que pour avoir suivi un peu de loin, voilà, je suis pas trop profane à suivre toutes les promotions et tout, Mais pour voir ce qu'ils font actuellement en Irlande et en Angleterre, énormissime. Ils ont réussi à fidéliser un public, à créer des vrais produits, un vrai produit propre à leur image, etc., etc., etc., etc. Donc oui, moi je suis pour leur développement à travers l'Europe. Je pense peut-être en Allemagne. Après la France, c'est assez compliqué, c'est assez fermé. Hein, je ne vais pas vous mentir. Même si la Ring of Honor viendrait faire un show en France, je suis même pas sûr qu'ils puissent remplir la salle. Donc l'Allemagne, pourquoi pas. Moi, je vois bien arriver en Allemagne, au moins jusqu'en Allemagne. Et tu penses qu'un show de 4000 personnes en France, c'est impossible du coup? Enfin, hors WWE, bien sûr. Fut une époque, si, la WS l'a fait à l'époque du gros boom catch, il y a 7 ans là, quand le catch a passé à 20h50 sur NT1, tout ça, que les gosses étaient à fond dessus. Mais ça a été déprogrammé à 22h, on commençait à avoir une baisse de fréquentation dans les salles, après c'est passé à minuit, de nouveau une baisse de fréquentation, après c'est passé à 2h du matin, ben voilà. Il n'y a pas de secret, hein. Enfin c'est maintenant les plus grosses salles, elles sont peut-être à 1500, 2000 personnes en France. Ce qui reste pas mal, hein, on va pas se mentir, c'est pas mal. Bah nous en fait, avec Chrono, on habite dans le sud, et c'est vrai que on est moins concerné, hein, par le catch français, parce qu'on en a pas, quoi, il y en a jamais. Exactement. Donc... Et tu l'expliques ça, ou c'est juste qu'il n'y a pas le public? C'est pas qu'il n'y a pas le public, en fait, c'est que le catch en France a une image assez vieillotte, on va pas se mentir. Allez, je dirais même ringarde à cause de certains reportages télé, le mec est fan de catch, donc c'est un teubé, tu vois, enfin par exemple. Il y a des trucs comme ça, puis même ça... La fin du catch en France, la fin de la grande époque du catch en France, quand le catch aux États-Unis a su évoluer, créer des stories, voilà, changer son image, changer de cap. En France, les gens sont restés, les catcheurs français sont restés sur le délire de jouer qu'arbitre, de non, c'est pas truqué, mais ils font des gags pendant le match. Enfin, c'est un ancien catcheur qui appelle ça des gags, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, il tombe sur une fille, il lui enlève son t-shirt, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui a complètement décrédibilisé le produit, alors que les générations changeaient, la mentalité évoluait au fur et à mesure. La WWE a su le faire, c'est parce qu'on a, il y a des airs à la WWE, il y a l'attitude era, etc., etc. Enfin, ils changent en fonction de l'évolution de son public. Ce qu'en France, on n'a pas pu faire. On est resté sur quelque chose d'assez ancien, ou est-ce que vous jouez avec l'arbitre, etc. Ça perdait complètement toute crédibilité, et c'est cette image qui est restée dans la tête des gens. Les reportages, les machins, les trucs, ça n'a pas aidé non plus. Ce qui fait que, bah, au fur et à mesure, ça a perdu sa splendide. Quand j'écoute les anciens catcheurs qui me racontent qu'ils faisaient les tournées Ricard, qu'il y avait des centaines de dates d'affilée l'été, qu'ils étaient sur, qui remplissaient des salles, etc., etc., etc. Moi, je les crois. Je suis sûr que c'est vrai. Et, malheureusement, il y a eu cette scission entre ce qu'on proposait ces personnes-là et les attentes du public. Ça a créé un décalage. Et les gens, bah, ont commencé à diffuser une image du catch, bah, c'est du nom, c'est truqué, c'est des clowns, c'est des machins, c'est des trucs, c'est quelque chose qui reste dans la mentalité, parce que pour changer les mentalités en France, c'est assez compliqué, quoi. On est assez borné en France, hein, on a des idées qui sont préconçues, c'est très très difficile. Donc le catch dans le sud, bah, c'est considéré comme une clownerie, les gens préfèrent aller voir du rugby, quoi. Donc vendre un show de catch, un promoteur, aller dans une ville dans le sud, aller voir ma mère et dire, bah voilà, je vous propose du catch, bah le maire va dire, on a du catch, c'est truqué, nous on fait des vrais sports, on fait du rugby, on fait du machin, on fait des trucs. Et forcément, bah derrière, la paire, elle se fait pas. T'as pas mal catché avec Tommy End. Est-ce que t'as déjà parlé d'une équipe avec lui sur des shows, par exemple hollandais, comme t'es en ce moment aux Pays-Bas? J'ai souvent catché avec Tommy, mais jamais catché, travaillé avec lui en équipe. C'est pas quelque chose qui nous vient en tête. On discute beaucoup, mais moi j'apprécie vraiment énormément. Je sais pas comment les vestiaires tous les deux, c'est des longues discussions. Mais on n'a pas des looks similaires, on n'est pas dans le même style de catch. C'est vraiment une équipe très très très bizarre, quoi. Ouais, vraiment pas lieu d'être. Voilà, je sais qu'ils ont commencé un trio en Angleterre. Il y a Tommy, Dante et Mickey Wishplash, quoi, quelque chose comme ça. Voilà. Il a changé sa gimmick pour se retrouver un peu avec Tommy et puis Dante. Donc voilà, maintenant ça marche bien, c'est collé, c'est ensemble, c'est propre. Passer la gimmick, déjà il faudrait que je me passe à peu près 30 mètres de tache sur le corps pour que je sois un petit peu dans la gimmick, machin, voilà. j'ai un peu l'opposé de Tony Yen physiquement et l'image que je donne, quoi. Je suis plus le mec, propre sur soi, nickel jusqu'à la pointe des cheveux, machin. Et Tony, c'est plus anti-héros, quoi. Il a toujours été la gimmick anti-héros. Il est toujours dans la gimmick anti-héros, quoi. Tatouage, cheveux longs, crête, barbe, etc., etc. Donc, vraiment, mon équipe avec Tony, pas que ça me déplaît, hein. Je pense qu'on pourrait sortir des bons matchs et tout. Mais d'un point de vue, spectacle, ou je sais pas, ce serait, après, ouais, dans un show, pourquoi pas, mais à long terme. Est-ce que tu as suivi, est-ce que tu suis, en tout cas, ce que font, Tom LaRuffa et Marcus Louis, du côté de la WWE? Je suis NXT. Ouais. Je vais souvent NXT. Après, plus particulièrement Tom ou Marcus Louis, non. Après, voilà, quand ils sont sur les choses, je suis, je sais qu'à un moment donné, ils ont réussi à avoir un petit run en équipe, voilà, ils étaient souvent ensemble en équipe, tout ça, puis il y a eu un split. Et après, ils ont disparu. Donc, T'en parles, toi, avec Tom LaRuffa, ou pas du tout? On parle pas, je parle pas avec Tom, en fait. D'accord. J'ai pas de contact avec lui, on parle pas ensemble. Après, voilà, je sais que c'est assez compliqué de réussir à s'imposer à WWE. Et il revient en genre de manager d'une capsule, hein. On verra. Après, voilà, il fait pas 1m90, il fait pas 5. Donc, c'est compliqué, quoi. Vraiment, c'est pas pour dire, hein, mais vraiment le physique, à moins d'être le catcheur le plus exceptionnellement technique du monde entier. Le retour que t'as sur les tryouts que t'as fait avec la WWE, enfin, je sais que tu peux pas énormément en parler, mais j'imagine que c'était quelque chose de constructif, quoi qu'il arrive. Ouais. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, justement? Que j'ai bien fait mon job. Voilà. Ouais, c'était positif. Après, j'ai pas mis d'amis, etc. Je suis pas signé, hein, on va pas lancer de fausses rumeurs, parce qu'à un moment donné, il y en a une qui est sortie, comme quoi j'avais eu un tryout, j'avais des signes, enfin, là, si ça a été diffusé sur des sites et tout. Et c'est le genre de choses que la WWE déteste. Donc, Ils lisent ça, même si c'est sur des sites français, ils arrivent quand même à remonter ça, Non, pas forcément, pas spécialement, mais voilà, à partir du moment où on a fait un tryout et que c'est plutôt bien passé, on va dire qu'on est dans le radar. Ouais, t'es piqué, quoi. Ça, ouais. Non, mais ouais, c'est ça. J'ai immédiatement mis ferme à l'information, je suis fasciné, j'ai osé ça en plus, donc aucun rapport. C'est bien passé, c'est tout ce que je peux dire, voilà, c'est bien passé. Et est-ce que la WWE, c'est un objectif prioritaire dans ta carrière? Bien sûr, c'est l'objectif de ma carrière, on va pas se mentir. Le mec qui me dit, ouais, je veux être catcher professionnel, mais je veux pas aller à la WWE, je veux catcher qu'en France, ou quoi que ce soit, c'est que, bah, soit il se dit qu'il est mauvais et qu'il a pas les capacités de le faire. Ou alors, si tu penses à la rigolade. Je sais pas, le but du jeu, quand même, dans une entreprise ou dans un projet, c'est quand même de viser le plus haut possible, jusqu'à temps qu'on atteigne les limites que soit l'industrie nous pose, soit que notre corps nous pose. Voilà, après, si je finis pas la WWE, déjà j'ai eu des essais, ce qui est, pour moi, c'est un grand pas, c'est-à-dire que c'est repéré, donc si je suis repéré, c'est pas si catastrophique que ça. Et je trouve ça déjà énorme. Même si j'ai jamais signé, même s'il n'y a jamais rien qui se passe derrière, pour moi, j'aurais réussi quelque chose. Toutes les personnes disent, ouais, mais les essais, t'es pas signé, c'est-à-dire que t'es une merde. Si tu le dis, mon grand, mais déjà, et un essai par la WWE, fais pas contacter par la WWE, après on parlera. Après, je suis pas fermé, quoi. Enfin, si un jour, j'ai l'opportunité d'aller travailler pour la Ring of Honor, ou la TNA, ou les fédérations au Japon, j'irai. Parce que voilà, c'est ce que je veux faire. Je veux catcher. J'ai la WWE Z-Ball. Enfin, c'est le but ultime. Mais toutes les opportunités sont bonnes pour me reposer sur un association. Et là, donc t'es un peu quand même la tête d'affiche du catch en France. Tu te produis sur pas mal d'événements. Mais là, ces derniers temps, on te voit beaucoup t'expatrier en Europe. Est-ce que justement maintenant tes ambitions sont plus européennes que nationales, on va dire? Les ambitions ont toujours été de catcher le plus possible contre le plus de catcheurs différents possible. D'ailleurs, pour ça, j'ai pas été à la VS, ça m'intéresse pas, parce que c'est toujours les cartes un peu VS, c'est toujours, tu vas faire un an de catch à la WS, et tu vas catcher contre 6 personnes différentes. Parce que moi, ça m'intéresse pas de catcher toute l'année contre 6 personnes différentes. Ok, tu peux changer tes matchs, tu peux changer ton schéma, etc. Mais c'est la même personne avec qui tu bosses. Donc là en France, on va dire que j'ai un petit peu fait le tour. J'avais déjà eu quelques contacts à l'étranger, etc. Et j'ai eu par-ci, par-là, des dates au fur et à mesure, mais c'est pareil, c'est comme le circuit français, il est très difficile de s'imposer. Là, tu vois, j'ai beaucoup de chance, j'ai réussi à avoir des dates en Hollande, j'ai récupéré le titre, je suis parti à la NEW samedi, j'ai eu quelques combats à la WXW, etc., etc. Donc oui, effectivement, le circuit européen, ben, voilà, ça m'ouvre de nouvelles portes, des nouvelles possibilités de combat, des nouvelles possibilités de booking, etc., etc. Donc, bien sûr que là, je me tourne vers l'Europe, et s'il y a possibilité d'obtenir de plus en plus de dates sur le circuit européen, je me dirais. Aux Pays-Bas et en Allemagne, t'es plutôt face ou plutôt heel? Plutôt heel, ce qui me fait du bien, parce que je suis face tout le temps en France, et j'en peux plus. C'est genre le petit français qui vient leur chourer leur titre, c'est ça? Ouais, non, parce qu'ils apprécient plus mon travail en heel qu'en face. Je m'aime pas sur la guille française, parce que je parle anglais. Ouais. Mais non, je sais pas, ils apprécient plus mon travail en tant que heel, je crois que ça me fait plaisir. Parce que comme j'ai dit, je suis tout en face et c'est pas que j'aime pas, hein, mais ça fait bien de changer aussi. Non, mais moi, franchement, j'imagine que ça doit être beaucoup plus kiffant d'être heel que d'être face. C'est, ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent être face que heel. Coucou, John Cena. C'est tellement plus intéressant d'être agressif, d'essayer de créer de la peur chez les gens. Chacun son point de vue, mais voilà. Non, mais moi, je suis carrément d'accord. Je pense que c'est plus dur d'être un bon heel qu'un bon face. C'est le heel qui porte le match, c'est lui qui donne le rythme au match, c'est lui qui construit la heat, c'est lui qui déclenche les réactions du face, etc. Ça, c'est le heel qui fait tout le boulot dans un match de catch, ça faut le savoir. À partir du moment où t'as un bon heel, tu peux mettre n'importe quel face en face, il y aura un bon face. C'est tout en fonction du travail du heel. Donc, c'est vraiment le truc le plus bien. Que penses-tu du champion humble et généreux qu'est Peter Fischer? Ah, c'est humble et sérieux, c'est pas humble et généreux. Voilà, c'est humble et sérieux, Peter Fischer, la légende. Il a un diplôme, il a été reconnu chevalier français de l'humilité et du sérieux. Donc, que je pense de Peter, je pense qu'il n'arrête pas de sortir des matchs de malade, donc ça me force aussi à sortir des matchs de malade, donc je le remercie. Vous avez une concurrence saine tous les deux déjà? Voilà, enfin, je trouve que c'est un excellent worker. J'ai toujours aimé travailler avec lui, contre lui. Beaucoup de bonnes idées, et voilà, il s'investit, il a créé un nouveau personnage, hier, qui est un produit dérivé, etc., etc. Il passe même plus de temps que moi, je pense, à créer des trucs autour de son personnage. Moi, je me repose juste sur le fait que je sais pas, quand je rentre, les gens, ils réagissent. Je sais même pas de me créer un personnage ou quoi, enfin, je rentre, je suis en style de lait, je crie, les gens, ils réagissent. C'est con, c'est débile de ma part, parce que ça me ferme peut-être des portes. Si j'essaie de créer quelque chose derrière, à côté, un personnage unique, quelque chose peut-être de différent. Sting, il a commencé comme ça, hein. Il est rentré, il criait, les gens, ils réagissaient. Qui ça? Sting, il a commencé comme ça. Ouais, je sais, mais après, c'était un personnage, il avait le masque, enfin, il avait la peinture, la gimmick un peu sombre, il avait des tutos, etc. Enfin, il s'est créé tout un truc, tout un univers autour de lui. Voilà, c'est ce que Peter est en train de se créer, enfin, il est en train de se créer en ce moment. Cette gimmick d'artiste, qui reflète son masque. Même quand là il prend des photos chez lui dans sa salle de musculation, faites attention aux détails, il y a toujours un masque qui traîne, il y a toujours un petit truc qui fait penser à sa gimmick, il est vraiment très fort là dans ce qu'il fait, et puis sur le ring il n'y a rien acheté quoi. C'est vraiment un très très très très bon worker. J'ai vraiment beaucoup d'estime pour Peter, et humainement c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Voilà, on a 12 heures de monde à faire. Si je suis avec Peter, je sais que voilà, ça va être 12 heures qui vont être agréables, absolument drôles, on va se marrer, etc. Ok, nous, il y a pas longtemps, on a eu, il y a un an, on a eu Didier en interview, qui est notre catcheur préféré à tous. Et est-ce que toi, j'ai envie de te poser une question un peu bizarre, je veux dire, ton catcheur préféré des années 90, des années 2000 et des années 2010? J'aimerais bien savoir. 90, ben j'étais petit, hein, c'était The Undertaker. J'étais vraiment dans la gimmick, j'avais 5 ans quoi. Donc forcément voilà, pour moi le catch c'était pas encore, c'était pas du spectacle, il y avait encore tout le côté magique, tout ça, donc ben, c'était The Undertaker, la gimmick, les frissons de quand t'es petit, tu vois arriver, les musiques s'éteignent, il y a des corbeaux, patates, enfin voilà, c'est... un petit coup de pression, quoi. 2000, j'en citerai 3. Chris Benoit, Eddie Guerrero, Kurt Angle. Je crois la technicité de leur travail. Là, actuellement, j'aime beaucoup, c'est pareil, il y en a J'aime beaucoup Ziggler pour ce selling. J'aime beaucoup la façon dont il vend les coups, etc., etc. Bryan, heureusement, voilà, il était tout s'arrêter et, une blessure assez grave. Cesaro, Kevin Steen, finalement, il y en a 48, quoi. Ça, en fait, j'ai pas de favori. Il y a vraiment beaucoup de personnes que j'aime regarder travailler. Et, qui je regarde Raw, je regarde la résultat, je me dis, hop, là, troisième match, c'est Cesaro contre je sais pas qui. Ben voilà, je vais appeler jusqu'au troisième match. Un gars comme Seth Rollins aussi, avant sa blessure, peut-être? Seth Rollins. Si, ouais, enfin, j'aime bien son travail. Je sais pas, enfin, il y a un truc qui bloque. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas dire, c'est un très très bon worker, il a une bonne intensité, tout ça, mais je sais pas, j'accroche pas plus que ça. Je regarde ces matchs, hein, j'ai vu quasiment tous les main events, enfin tous les champions, j'ai regardé tous les main events, tout ça. Mais je sais pas. C'est un catcheur qui t'inspire particulièrement ou pas spécialement? Non, j'ai pas d'inspiration précise sur un catcheur précis. Je comme je vous ai dit, je regarde beaucoup de choses. Je sais pas, je regarde un combo de, enfin, je regarde un match avec Cesaro, puis il y a ce truc-là, si après il enchaînait avec le truc que l'autre fait derrière, est-ce que ça pourrait être plus intéressant ou quoi? Pourquoi est-ce qu'il a passé ce spot à ce moment-là, etc., etc. Donc je m'inspire de ce que je vois, mais pas de certaines personnes en particulier. Ta prise de finition, donc, comment elle s'appelle, en quoi, enfin, qu'est-ce que c'est exactement, et pourquoi t'as choisi, ça comme prise de finition? Très bonne question, j'ai pas de nom pour mon finish, je vais pas vous mentir. Donc, on va lancer un hashtag avec l'interview, trouve le finish de l'artiste. Ouais, pourquoi non prendre le finish? En fait, c'est un first man's carry. Donc, après, je lance l'adversaire dans les airs, un peu comme Punk faisait avec son GTS. Sauf qu'au lieu de monter le genou, en fait, moi, je pars. En même temps que je le lance en l'air, je le pars pour une retournée acrobatique. C'est le tout du foot, là. Ouais. Donc, quand il est dans les airs, moi, je fais une retournée acrobatique et je mets le pied en pleine tête. C'est pas mal. C'est clair. Voilà. Donc après voilà, j'ai pas de nom. Je... Donc notre mission c'est de trouver voilà. Un nom. Hashtag engage de nom. On va le lancer. Ça va permettre de jouer. Toutes les idées construites, y a aucun souci. On a appris quand même ce soir l'information principale, c'est que tu es aussi plombier. Voilà. L'information principale de... Ouais. Escort girl. Ah, tu fais tout ça. Okay. On donnera le numéro de téléphone en même temps, en lien dans l'interview. Pour tout petit problème et gros problème. Pour rémunération, je peux vous accompagner à une soirée cinéma ou... Si tu es femme d'âge mûr, voilà, tu m'intéresses. Une femme d'âge mûr aimant les hommes musclés, célibataire et richissime, contactez-moi. Putain, merde, ma femme, elle va appeler. Je veux pas de problème, moi. T'as quelque chose avant la fin de l'année, là? Le prochain mois? Non, la semaine prochaine, je pars en Allemagne, mais, m'entraîner un peu avec des gens que je connais en Allemagne. Donc là, je suis off, jusqu'à mi-décembre, mais ça va faire du bien, là. C'est l'hiver, la route et tout, c'est pénible. Là, j'étais catché samedi en Allemagne, j'ai fait 2 fois 8 heures de route, sans dormir. En Allemagne, je me suis fait arrêter par la police. Sorte de plaque d'immatriculation, j'avais déclaré perdu, ce qui était tombé. Dans les fichiers de la police allemande, c'était considéré comme volé, donc la voiture que j'avais était volée, alors c'était la mienne. Ils m'ont embarqué au poste, alors parce qu'ils parlaient pas anglais, moi je parlais pas allemand. Au poste, il y avait un gars qui parlait anglais, je lui ai expliqué, ils ont tout cherché dans les bases de données, patati patata, ça m'a pris une heure, quoi. J'arrive au show, bien sûr, j'avais oublié la bouffe chez moi. Donc, j'ai pas mangé, fin du match, 23h30, pas mangé depuis 5h du matin, je commençais à être un peu, perds pas très bien, limite j'ai fait les nerfs pendant le match, ils m'ont dit que c'était mal, je reprends la route derrière, et voilà quoi, je rentre chez moi le dimanche matin, 9h, je dors jusqu'à 13h parce que j'habite dans une résidence, donc forcément il y a des gens qui vivent dans cette résidence, donc je fais du bruit. Et aujourd'hui, levé 14h, j'ai fait une sieste à 17h, voilà, donc le corps commence à me fatiguer, et je vais pas vous mentir, là, le mois de repos avec les fêtes, etc., etc., ça va pas bien. Ouais, d'accord. Bon. Alors, je reprends ce que je disais, je te souhaite vraiment le meilleur pour 2016, que ton objectif ultime se réalise, et j'espère que on sera les premiers à qui tu en parleras si ça, si ça doit arriver. Bien sûr. Voilà. En tout cas, merci pour le temps que tu as passé avec nous. Et moi, je te propose un petit truc, c'est de chanter avec nous New Day Sucks. New Day Sucks. C'est énorme la gimmick. Ah ouais, franchement, incroyable. De retourner une gimmick en deux semaines comme ça, c'est incroyable. Ouais, c'est ça le truc, c'est qu'ils étaient tous les trois en train de stagner milieu de carte, bas de carte. Et voilà, enfin, Xavier Woods, enfin, il a pas le physique des deux, quoi. Il est petit, il est trempu, il est pas machin. Là, c'est coincé comme Creed, ouais, pas pour le coup. Mais voilà, enfin, et d'un coup d'un seul, ils se retrouvent dans le groupe des trois, au Mike, il déchire, et deux autres, ils font des fumeries, et ça passe. Et ça marche. C'est pas forcé, c'est ce que les gens voulaient. Ce que je regrette là, c'est que chez nous, ils sont en train d'essayer de faire un peu la même chose. C'est pas un Hulk destructeur, c'est un Hulk qui essaie de faire un petit peu des blagues, de tailler et tout. Bah, moi j'accroche pas. Autant les trois là, l'idée ça passe, c'est crème, c'est drôle. Tu sens qu'ils s'amusent à le faire et tout. Autant chez nous, tu sens qu'ils forcent un peu quoi. Oh, je me suis fait un t-shirt 5 2.15. Bah ouais, le mec, c'est pas drôle. Si, à la base c'est drôle, mais pas sur chez nous. Voilà. Je pourrais s'en faire un la semaine prochaine avec 0 2.18, hein. Ça marche aussi, parce qu'on a eu un titre en 18 secondes. Enfin, ouais. Bref. On veut pas y passer toute la nuit, quand même. On va se laisser tranquille. Ouais, on va se laisser tranquille. Allez, ça marche. Je te souhaite vraiment tout le meilleur pour 2016 et encore ouais. Merci. Ben, merci à vous. Merci beaucoup d'être venu, c'est sympa. Merci à vous. Et à la prochaine fois. Salut. Salut, ciao. Salut. Et n'hésitez pas à partager et commenter cette interview si vous le souhaitez. Et retrouvez-nous dans nos prochains podcasts. Salut les amis !